Maria Jimmy Doran Vert. Passé révolu, tandis que le futur nous échappe, songeant à l'avenir, si vie chaque fois avant moi bougie, à moto guerre. Montonio so a la mort, qui la salata, le geta moisa la mbongo, le gele katende, le cosu to kosa yo na vina yo mawa, photo kope se paya nani, fote beya yo moko, o komi kolo baba loki, o mei o mi loki. Alo inge o salaki ko sala Roger Tabou. Le vieillard revit le passé, le jeune pense à son avenir. L'homme est mûr, sage, vit le présent, que biba ka perdre mère. Yon son avis na yon ne pe bongi o zoya mo o serie. Lo inge e fouta carrière, lo inge e benga ka pauvreté. Yon mo e dina kanani wa ke moko bete la basusu ma solo. Maintenant Jean Wakaka, j'ai fumé sur Blaise Libéo, chez Moussa, Ismaël Salou Francis Kaloko, Fali. L'espérance est le songe d'un homme éveillé, papa Pania. La nature à chacun de nous capable de supporter ce qui arrive. Quel est présent d'être tout près point, mon linga nangaï. Évitez maloba ne les kamakani si naïon ne voyez moi si tomo bali. Soya malamu e akase na tango na yango toujours nazi. La conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. La mauvaise réputation est un fardeau léger à soulever. Lou à porter, difficile à déposer. Zelo e mema kamoto na pasi e zalaka a plani. Mo e mema kana bonheur et ton abanzo pepe bangomba. Sylvie na Berne. Bien cassé, moi bien cabia. Si celle-ci là. La conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. La mauvaise réputation est un fardeau léger à soulever. Lou à porter, difficile à déposer. Zélo et même à Kamoto n'a pas ses alaka à plani. Moi et même à Kanabonia. Et ton abanzo bébé bangomba. Toni no ma kese. DG Paul, Oyamina, Roger Poupa, DG Memphita. Qui craint de souffrir, Sylvie Chaco, souffre déjà ce qu'il craint d'Akuba, David de Memba la Suisse. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jumat Fibeli, wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. C'est que nous gagnons en connaissance, nous les perdons en sentiment. Celui qui s'aime les voir récolte la trompette, qui écoute récoltera. Montagnon soit un jugé, malaba, oyonne, dengue, naïe, manassé. Genre massif, tant qu'à la vie, à l'espoir. En persévérant, on arrive au but. Sokina koko, salami, kosi. Ma poumoune, délé, essengé, lito, salana, conscience, à bon moto. Motema ya veni royo bisengo ya mokili esila kata sizingonda basala yango basuka wapi lelo nanda kwa malita sepeli sandoto emando kala polikisate ebongi tolo bela le pweso peto banza a veni keto lo bela ka le pase seke nukanyo en connaissance nou le perdo en sentiment celui qui se vreman rekote la trompette qui ekoute rekoltera motonyo so agiche maloba. Que pour moi, à mon toit, ils allaient se n'a pas quoi. Car un bienfait n'est jamais perdu. C'est fini, Chaco. Et bon, guitare, l'homme est là, le présent. Mais ton bazar a béni. Et ton bazar a béni. Le passé. C'est que nous gagnons en connaissance. Nous le perdons en sentiment. Pour celui qui se fera récolte la tempête. Qui écoute le récoltera. Mon connaissant agit, j'ai ma parole. Mami chomobung.